Chapitre 10e. Sans s'émouvoir, Ikuteruka, d'une passe de jiu-jitsu, réduisit le gros indo à l'impuissance et, à l'aide de son propre turban, le ligota en un tour de main. Il achevait à peine cette utile opération que deux gigantesques malabars, armés de poignards, apparurent. « Crie-leur de s'en aller, ou tu es mort !» avertit Ikuteruka en s'adressant au joaillier et en lui piquant la gorge de la pointe d'un couteau. L'indou n'hésita pas et, d'une voix tremblante, ordonna aux deux bandits de se retirer. Ils obéirent en grommelant. « Et maintenant, tu veux me dire où est Sulak et où il a caché les rubis, si tu ne veux pas que je te tue. Je suis décidé à tout !» déclara Ikuteruka en enfonçant la pointe de son arme dans la peau tendre du cou du joaillier. Celui-ci laissa échapper un cri d'effroi. « Je vous jure par Brahma que je ne sais pas où est Sulak. Il n'a jamais voulu me révéler où il avait caché ses rubis. Il se méfiait de moi. » « Il est donc sorti d'ici ?»« Oui, par l'arrière-boutique. Il n'a fait que passer. Il se doutait qu'il était suivi, avoua l'hindou. Où est-il allé ?»« Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. »« Et quand revient-il ici ?»« Demain. » Ikuteruka n'insista pas. Il n'avait aucun moyen de savoir si le joaillier disait vrai. Sans mot dire, il le fouilla, et comme il s'y attendait, trouva dans sa poche la clé du grand coffre-fort d'acier placé dans l'arrière-boutique. Il s'en empara, et ayant soulevé l'hindou dans ses bras, il le porta devant le coffre, le déposa sur les dalles et lui demanda quel était le chiffre de la combinaison permettant de faire fonctionner la serrure. Le bijoutier hésita, mais la vue du poignard d'Ikuteruka lui fit comprendre qu'il n'avait qu'à obéir. « C'est le 537, » dit-il. Ikuteruka tourna les boutons du mécanisme et ouvrit la massive porte d'acier. Le coffre contenait des perles, des brillants, des opales, des joyaux de toutes sortes, mais pas les rubis volés dans le temple de Dambula. Ikuteruka, déçu, allait refermer le meuble lorsqu'il s'aperçut qu'une des enveloppes de papier renfermant les gemmes portait quelques lignes écrites au crayon. Il l'examina. C'était une vieille enveloppe sur laquelle étaient tracés ces mots. « Monsieur Marthe Sulak Esquire, CO Kaomul Sahib, Villa Kandahar, route de Kandy, borne 57. » C'était là une indication bonne à retenir. Ikuteruka la nota dans sa mémoire et, sans dire une parole, enfouit dans ses poches les paquets de pierreries amoncelés dans le coffre. « Je vais apporter tout cela à la police, » dit-il à l'hindou qui le regardait avec des yeux brillants de rage et de haine impuissante. « Si tu avertis ton complice que je suis à sa poursuite, tu ne reverras pas tes pierreries. De reste, tu seras surveillé. » Et Ikuteruka, ayant repoussé la porte du coffre, bondit dans la boutique, ouvrit la porte de la rue et sortit. Il ne perdit pas son temps à se rendre au poste de police, mais courut tout simplement dans un magasin de confection où il échangea sa défroque d'ancien soldat contre d'élégants vêtements de touriste. Souliers de toile blanche, bandes molletières, culottes bouffantes et vestons à multiples poches en toile kaki. S'étant coiffé d'un casque léger, il se fit indiquer le plus proche marchand de cycles, loua une bicyclette et fila sur la route de Kandy. La villa Kandahar était bordée d'une haute grille de bois peinte en blanc et à demi dissimulée dans une haie de bambou. La villa elle-même, un simple bungalow de bois, se distinguait à travers les arbres. Ikuteruka n'était plus qu'à une centaine de mètres de la grille lorsqu'il vit la porte s'ouvrir et donner passage à un hindou portant le costume caractéristique de la secte des Parsis, calotte de paille tressée et ample stambouline, une sorte de longue lévite. L'homme avançait lentement et il boitait et s'appuyait sur une grosse canne de jonc. Ikuteruka le croisa presque sitôt et malgré la couleur ocreuse du visage du prétendu Parsi et les cheveux d'un noir bleu qui sortaient par mèche de sa calotte, reconnut en lui ni plus ni moins que Martin Sulak. Le célèbre détective ne sourcilla pas et continua à pédaler. Seulement, à la première bifurcation, il s'engagea dans un chemin de traverse qui rejoignait la grande route à plusieurs kilomètres en avant. Ikuteruka fila à toute vitesse et réussit ainsi à précéder le faux Parsi. Il abandonna sa machine dans un fossé et s'étant dissimulé dans un champ de canne à sucre, il laissa passer son homme et le suivit. La nuit venait, bientôt ce fut l'obscurité, Ikuteruka soudain sursauta.